Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 74. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et, a priori, nous serions ce matin, le dimanche 15 avril 2007, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es péché mignon, tu es cuisine au beurre, tu es gargantuesque, tu es goinfrerie, tu es crise de foie et tu es aussi... Arrêtons, je dis arrêtons de gaver nos enfants de sucreries, de bonbons, de gâteaux, de glace au chocolat. Je veux un bonbon, je veux un bonbon. Non, je dis arrêtez ça, arrêtez ça. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es gourmandise et tu t'en fous plein la panse. Alors, comme chaque année, tu viens de passer l'hiver à t'empiffrer. Seulement voilà, maintenant que les beaux jours sont arrivés, tu regrettes désormais tes foutus bourrelets. Eh bien, même si l'urgence est au régime dans les magazines, la panique au Mangin Palace a tout de même décidé ce matin, pendant 53 minutes, d'organiser un festin pour essayer de te raconter une histoire illustrée, mais toujours décalée, celle de la gourmandise. Et pour commencer, de l'abstinence à l'abondance, il faut te retracer l'évolution de l'usage social de la gloutonnerie. Ensuite, durant quelques minutes, nous essaierons de te démontrer que la gourmandise n'est pas qu'un vilain défaut. On enchaînera d'ailleurs sur une petite surprise fabriquée par la panique qui viendra te prouver justement qu'il peut être tout à fait chic d'être gourmand. Et puis, dans la foulée, nous te dévoilerons les mystérieuses raisons qui ont poussé Nicolas Sarkozy à annuler la semaine dernière sa visite dans la chocolaterie de la Croix-Rousse à Lyon. Et enfin, te raconter comment les excès alimentaires de Jean-Claude l'ont contraint depuis quelques jours à suivre un régime féroce sous le regard sévère de Monique. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et balance ta balance. Cha-cha-cha, oh man, yeah. Let's Spend the Night Together chantait en 1967 les Rolling Stones, autrement dit les rochers pralinés qui roulent dans ton estomac et qui te proposent de passer la nuit avec eux. Mais attention, car pour les gourmands ce n'est pas une nuit, mais plutôt quelques mois que le chocolat te restera sur les hanches. Alors, ce matin, la panique au Mangin Palace a donc décidé de s'intéresser à un péché capital qui procure évidemment beaucoup de plaisir, à savoir la gourmandise, cette aptitude à apprécier, parfois jusqu'à l'excès, la bonne chère. Et pour commencer, il faut s'intéresser à l'usage social de la gourmandise. Eh oui, l'ami, la nourriture a évidemment une valeur morale qui passe à la fois par la parcimonie et par l'abondance. Dans l'Antiquité, par exemple, Diogène, dans son tonneau, prône la frugalité, alors qu'au même moment, dans la cité, la gourmandise concourt à la mise en ordre de l'espace social. En effet, le banquet des élites ou la fête populaire sont des événements civiques, mais aussi des occasions de gloutonnerie. Car le grec antique, il n'est pas mou du genou pour aller au bacchanal. La gourmandise n'est donc pas continuellement rejetée, elle doit simplement être codifiée. Ainsi, dans les religions monothéistes, la gloutonnerie est par définition suspecte, car elle éloigne le croyant du spirituel. C'est pourquoi Pâques, la principale fête des chrétiens, est précédée d'un temps de préparation caractérisé par l'interdiction de toute gourmandise. C'est le carême. Et pour le chrétien, ça ne rigole pas. Plus de sauce, plus de graisse, plus de sucre et plus de sel. Plus de foie gras, plus de mayonnaise, plus de tarte au mirabelle. Plus de sauce, plus de graisse, plus de pain, plus d'escargot. Plus de confit, plus de bouillabaisse, plus de bourgogne et plus de bordeaux. Plus de sauce, plus de graisse, plus de fromage et plus de gratin. Plus de rire, plus d'ivresse, plus de bonne humeur le matin. Plus de sauce, plus de graisse. Et merde. C'est ce que disait le gourmand à l'approche du carême qui est heureusement aujourd'hui tombé en désuétude. L'Église condamne donc la gourmandise comme un péché, mais la tolère parfois dans les moments particuliers que sont les fêtes, comme le carnaval ou même les noces. Et oui, la gourmandise participe à la consolidation du lien social. Alors, moi, j'avais pensé à agrémenter chaque table d'un grand bol de fruits de saison. Oh. Des noix, des raisins... Oui, Bord, c'est très intéressant, d'accord, mais il ne faut pas perdre de vue que nous recevons les chefs de clan. Mais qui nous dit que les chefs de clan n'aiment pas les fruits de saison? Mais c'est pas le problème d'aimer, Bord, faites un effort. Venec, qu'est-ce que vous aviez prévu? Autre chose que des fruits de saison, non? Affirmatif, de la viande et de la viande, cuite dans sa graisse. Bon, voilà. De toute façon, ils viennent pas que pour bouffer non plus, hein. C'est un sommet politique. Ce qui n'empêche pas de bien recevoir. Non, mais vous faites pas de cheveux là-dessus, j'ai compté 3 porcs par personne. 3 porcs? Attendez, je les connais les chefs de clan, ceux qui débarroulent du bout de la Calédonie, là. Vous avez pas vu les bestiaux? Je vous garantis qu'ils viennent pas pour manger des fruits de saison. C'est pas faux, Bord, 3 porcs c'est pas mal, ça fait que ceux qui en mangent que 2 peuvent en donner 1 ceux qui en mangent 4. Je trouve ça d'une vulgarité sans précédent. Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Goûtons voir, oui, goûtons voir, non, goûtons voir si le vin est bon. Goûtons voir si le vin est bon, c'est un peu le leitmotiv des festins et banquets qui émaillent la vie politique. Prendre du plaisir à boire et à manger, c'est signe de bien-être, voire d'harmonie sociale. Et quand en 1900, la République triomphante cherche à montrer son enracinement dans une France qui s'expose universellement, c'est un grand banquet qui est organisé. Le 22 septembre 1900, pour célébrer l'anniversaire de la République, 22 000 maires venus de tous les cantons de France sont rassemblés aux Tuileries sous d'immenses tentes pour déjeuner avec le président Loubet. Midi et demi, il fait un temps radieux, un soleil éclatant. Le président de la République, qui a quitté l'Élysée dans une Daumont de gala, conduite en poste, vient d'arriver aux Tuileries. Les tables s'allongent à perte de vue sur des centaines et des centaines de mètres. 21 870 serveurs s'affairent autour des convives de ce banquet gargantuesque pour lequel il a fallu prévoir 150 douzaines de canetons, 2000 kilos de saumon, 2430 faisans, 2400 kilos de filets de bœuf, 2500 poulardes de Bresse, 6000 pêches, 1200 litres de mayonnaise et 32 000 bouteilles de vin. Inutile de dire que si les fourchettes ne restent pas inactives, les langues vont bon train. C'est sûr qu'avec 30 000 bouteilles de vin, soit près d'une et demie par personne, les langues ont dû aller bon train. Mais attention, la gourmandise officialisée ne passe pas toujours par des orgies républicaines. Parfois, c'est beaucoup plus distingué. Et ça surprend encore. Oui, une femme ambassadrice, ça surprend encore. Quelquefois, on m'appelle même Madame l'ambassadeur. Et puis mon rôle, c'est d'accorder les gens. Et pour ça, j'ai un argument formidable. Ferrero Rocher. Savoir recevoir, c'est savoir offrir. Ah, les soirées de l'ambassadeur. Elles ont l'air si excitantes qu'on regrette toujours de ne pas y être invité. Car c'est bien connu, c'est une grosse gourmande, l'ambassadrice. Pourtant, aujourd'hui, la religion n'est plus le principal dénonciateur de la gourmandise. Sans doute parce que des curés gloutons et des papes orgiaques ont perdu du crédit dans ce domaine ad libitum. Andouille vient du latin inducere, introduire, parce que la chair est fourrée dans un boyau. Rabelais la préconisait caparaçonnée de moutarde fine, à étaler comme un baume reconstituant d'andouille. Quand le futur Jean XXIII, alors nonce du pape, vint en compter, pour reconnaître le miracle de l'hostie de Favernay, restée perchée dans les airs par l'opération du Saint-Esprit, on dit qu'il s'amouracha de l'andouille au point d'en consommer une à chaque repas. Il en aurait ramené la recette au Vatican. Elle fut rebaptisée andouille du pape, sauce soubirou, en hommage à Sainte Bernadette de Lourdes. Et donc aujourd'hui, on peut imaginer que Ben Sixtine se gave d'andouille du pape ou, plus probablement, de Weisswurst ou de Frankfurt moutarde. Alors, question condamnation de la gourmandise, désormais, la main est passée aux apôtres de la norme et de la mode qui ont instauré un carême permanent pour les gourmands. Tous les régimes sur elle furent testés. Toutes les tentatives ont été des échecs complets, mais elle persévère et pour plaire à son homme. Dominique a décidé de suivre la norme. Elle emmagasine des magazines dans lesquels elle pense trouver le recours ultime. Mazo à l'assaut de ses formes rondelettes. Elle était occupée à couper du PQ dans le pic. Elle est face une victime de la mode. Tel est son nom de code. Victime de la mode. Tel est son nom de code. Et en effet, la victime de la mode doit refuser les excès du boire et du manger. Quant au gourmand, lui, il devrait donc s'interdire certains plaisirs minuscules comme par exemple passer tous les matins à la boulangerie. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, aïe, aïe. Elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, autant que ses croissants. Et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant. Il était myope, voilà tout, mais elle ne le savait pas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Il vivait dans un monde flou où les nuages volaient pas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Il ne voyait pas qu'elle était belle, ne savait pas qu'elle était celle que le destin lui envoyait à l'aveuglette pour faire son bonheur. Et la fille qui n'était pas bête acheta des lunettes à l'élu de son cœur. dans l'odeur chaude des galettes, des baguettes et des babayes. Aïe, aïe, aïe, aïe, dans la boulangerie, en fait, un soir on est marié. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, tout en blanc. Qu'elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Et de leur union sont nés des tas de petits gosses, myopes comme papa. Gambadant parmi les brioches, se remplissant les poches de petits pains au chocolat. Bien faite, il suffit de si peu, d'une simple paire de lunettes pour accrocher deux êtres et pour qu'ils soient heureux. Le petit pain au chocolat, c'est ce que dégustait Joe Dassin en 1969, année érotique bien sûr, où Serge Gainsbourg nous proposait alors, entre sucette et tartelette, une autre forme de gourmandise. Alors maintenant, après avoir survolé l'évolution de l'usage social de la gloutonnerie, il est temps d'essayer, durant quelques minutes, de te démontrer qu'il est essentiel, parfois, d'être gourmand. Oui, mon ami, sais-tu, au fond, pourquoi la gourmandise n'est pas qu'un vilain défaut ? Eh bien, dans le prolongement des interdictions religieuses, une bonne éducation, a priori, doit faire prendre conscience aux mioches que les nourritures spirituelles sont bien plus importantes qu'une bonne grosse bouffe. Certes, Gargantua est un personnage sympathique, mais sa goinfrerie vorace demeure avant tout suspecte dans l'inconscient bourgeois. C'est ainsi qu'être gourmand est encore aujourd'hui considéré comme un vilain défaut. Et pourtant, il faudrait se débarrasser, fissa, de ce ridicule jugement moral, car seuls les imbéciles ignorent l'étendue des bienfaits que pourrait leur offrir la gourmandise, au contraire des gourmands qui, eux, savent apprécier pleinement les vertus de ce vice. Tiens, commençons par exemple par celles et ceux qui adorent s'empiffrer de petits gâteaux. Eh bien, cette passion sucrée leur permet parfois de se souvenir de certaines choses essentielles. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin, à Combray, parce que ce jour-là je ne sortais pas avant l'heure de la messe, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait, après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle, mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps. Ah, eh ben oui, hein, dès que c'est Marcel Proust là qui bouffe des madeleines, tout de suite forcément, c'est plus chic. Mais sache bien que parfois donc, la gourmandise peut te conduire jusqu'à l'écriture des plus belles pages de la littérature. D'ailleurs, dans un tout autre style littéraire, il faut savoir que ceux qui ont une faiblesse dévorante pour le fromage peuvent également régulièrement croiser la beauté. Tu bagues nous deux dans les pâturages, tu t'en vas te promener, belle des champs, qu'il est blanc, qu'il est crème ton fromage. Dis, donne-nous-en un peu, belle des champs. Dis, tu nous en donnes, dis, oh oui, donne-nous-en. Donne, donne, dis, belle, belle des champs. Dis, donne-nous un peu de ton fromage. Tout le monde t'aime tant, belle des champs. Eh oui, les friands du fromage s'offrent des plaisirs savoureux. Il arrive même parfois que certains amoureux de cette matière grasse décrochent des titres de champion. La page régionale, dans un restaurant des Deux Alpes ce soir, championnat de France du plus gros mangeur de raclette, une spécialité de la région. Pendant les 2 heures que durera la compétition, on avalera donc que du fromage fondu. Et croyez-moi, il faut le faire. D'ailleurs, un article du règlement précise que toute tentative en vue d'atteindre les toilettes de l'établissement ou l'extérieur de la salle entraînera la disqualification automatique du candidat. Bon appétit, France Inter, il est 13h21. Alors là, franchement, devenir champion de France du plus gros bouffeur de raclette sans passer par les toilettes, moi je dis, il y a de quoi frimer en ville quand même, non ? D'ailleurs, c'est là aussi un autre privilège d'être gourmand. S'octroyer le droit de crâner devant ses amis. C'est délicieux ! Remarquable ! Ça vous plaît ? Oh. C'est moi qui l'ai fait ! C'est pas elle qui a fait le gâteau Deli France ! De toute façon, si j'avais dit que c'était du surgelé, on ne m'aurait pas cru, alors... Deli France, c'est moi qui l'ai fait ! C'est ainsi. Une maîtresse de maison gourmande, qui sait préparer de délicieux plats mijotés, se voit toujours congratulée par ses convives ravis. Ce qui n'est jamais désagréable pour son égo, bien sûr. Cela dit, il y a bien d'autres avantages qui pourraient pousser une femme à devenir spécialiste de la bonne bouffe. Je ne m'attriste pas du tout en constatant que la gourmandise est inhérente à l'homme. Et rien ne me paraît moins vulgaire que le goût de la table. Il demeure permis à tous, et en tout cas aux hommes, puisque les femmes ont pris la sinistre manie de mesurer leur tour de taille tous les quarts d'heure, ou du moins tous les jours. Donc l'homme aime bien manger. Et c'est là pour la femme intelligente un moyen de le retenir à la maison qu'elle ne laissera pas échapper. Il est flatté lorsque ses goûts sont consultés, enchanté lorsque ses amis apprécient sa table, ravi si on lui laisse entendre qu'il est l'inspirateur d'une initiative heureuse. Et devant un succès culinaire, le mari est nettement admiratif. Ce nomen n'est pas le sien, il admet donc beaucoup mieux que dans main autre que sa femme y brille. Et voilà, formidable gourmandise qui peut également devenir le ciment du couple amoureux. Mais bon, faut faire gaffe, madame, c'est une question de proportion. Parce que si monsieur s'empiffre comme un goret à la maison, ça peut aussi finir par le rendre insatiable quand il sera devenu gros. Séchez vos pleurs, belle maîtresse, nous ne nous choquerons plus les os. Voici venir des jours de liesse, voici venir l'amour nouveau. Sur mes genoux comme à confesse, vous pourrez vous tenir au chaud. Le jour, le jour, le jour, le jour, où je deviendrai gros. Eh oui, évidemment, les esprits gourmands ne sont jamais rassasiés. Bien sûr, ils en veulent toujours plus. Mais bon, toujours dans l'espoir de te convaincre que la gourmandise n'est pas un vilain défaut, la panique au Manchin Palace a donc tenté ce matin de te fabriquer un petit melting pot loufoque et foutraque pour te prouver qu'en plus du reste, il peut être tout à fait chic d'être gourmand. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Monsieur Lasserre, vous qui êtes un grand restaurateur, que pensez-vous de l'homme lorsqu'il mange ? Monsieur Dumayet, je suis de l'avis d'un de mes regrettés clients, monsieur Paul Valéry, qui me disait « L'homme qui mange est le plus juste des hommes, il nourrit à la fois ses vertus et ses vices. » On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. Et pensez-vous qu'il y ait une certaine ressemblance entre l'homme et ce qu'il mange ? Non, je ne crois pas. Si Jean Marais aime les profiteroles au chocolat, si la princesse de Monaco aime le Chateaubriand, si Lady Diana Cooper aime le canard à l'orange, si Daniel Darieux aime les grenouilles à sa façon d'ailleurs, si Cécile Sorel aime la bécasse flambée... Arrêtez, comme on dit vulgairement, j'ai les dents du fond qui baignent. Si Arletty aime l'escalope à la maréchale, si Monsieur Gervais préfère le camembert au petit suisse, c'est certainement par hasard. Et si même Lisette d'Arsonval aime le vol-au-vent, ce qui est vrai d'ailleurs, Je ne crois pas que ce soit parce qu'elle est danseuse. Bon, je vois, la gourmandise est aveugle par conséquent. Puis-je vous demander ce qui se met au service de la gourmandise? Tout. En dehors du chef, du maître d'hôtel, tout. Les garçons, venez goûter. J'ai fait du riz au lait. Oh, chouette. La langue française, la surprise. La langue française? Nous appelons un délice un filet, par exemple. Chateaubriand, une pièce de bœuf. Demoiselle de Cherbourg, un homard. Mais la surprise, comment se met-elle au service de la gourmandise? Mais monsieur Dumayet, il faut que le client s'amuse en mangeant. Et ça fait des grands. Et ça fait des grands. Il faut que le client soit amusé par ce qu'il mange, qu'il soit surpris, comme au théâtre. Au théâtre, il attend l'amant. C'est le mari qui arrive. Au restaurant, on attend l'omelette. Et en mangeant l'omelette, on s'aperçoit que c'est une glace. Ça s'appelle une omelette surprise. Omelette, omelette, aux patates et aux petits oignons. Est-ce que tu peux mettre des poivrons? Oh oui, oh oui, oh oui. Est-ce que tu peux mettre des oignons? Gnon, gnon, gnon. Est-ce que tu peux mettre des carottes? Oh oui, oh oui, oh oui. Est-ce que tu peux mettre des lardons? Ça dépend. Hein. Omelette. Omelette, yeah, bon. Bien baveuse avec des croutons. Closer, c'est ce que chante le Britannique Travis sur son nouvel album intitulé The Boy With No Name. Pourquoi Travis? Parce que la gourmandise, c'est Travisieux, bien sûr. Alors maintenant, pour prolonger notre exploration au pays des friandises et des tentations, il est temps désormais, à 11h34, de te dévoiler, entre fiction et fantaisie, les authentiques et mystérieuses raisons qui ont poussé Nicolas Sarkozy il y a quelques jours, a annulé sa visite dans une chocolaterie lyonnaise. Souviens-toi, le 5 avril dernier, dans le cadre du Sarko Show, Nicolas Sarkozy devait en effet, dans l'après-midi, visiter la chocolaterie de la Croix-Rousse, à Lyon. Seulement voilà, cette visite n'a jamais eu lieu. Mais alors, que s'est-il réellement passé ? Certains ont évoqué une manifestation de gauchistes empêchant Nicolas Sarkozy de pénétrer sur les lieux. Eh bien, apprends ce matin qu'en réalité, la vérité est ailleurs. Tout d'abord, il faut savoir que le matin même, Nicolas Sarkozy avait envoyé Brice Hortefeux, son bras droit, flanqué de Bernadette Chirac, pour une première visite non officielle, bien sûr, afin de préparer au mieux sa venue. C'est ainsi qu'à 10h30, Brice et Bernadette se sont pointés à l'entrée de l'usine, où ils étaient attendus par le patron, un curieux chocolatier lyonnais. Chers invités, salutations. Bienvenue à la chocolaterie. Je vous serre chaleureusement la main. Je m'appelle Willy Wonka. En avant-marche, les enfants. Willy Wonka ? Ouais, c'est français comme nom, ça ? S'interroge Brice Hortefeux. Mais bon, ils pénètrent alors tous les trois dans cette chocolaterie, où Brice et Bernadette découvrent avec gourmandise tous les secrets de fabrication du chocolat. Seulement voilà, au fur et à mesure de cette visite secrète, Brice Hortefeux, lui, s'aperçoit que ce chocolatier est un personnage pour le moins farfelu. Oh, à propos, est-ce que vous saviez que le chocolat a la propriété de déclencher la libération d'endorphines ? Ça vous donne la sensation d'être amoureux. Sans blague. Bernadette Chirac, elle, semble tout à fait passionnée par cette révélation du chocolatier. D'ailleurs, Willy Wonka leur apprend au passage qu'il travaille depuis de nombreuses années sur toute une gamme de chocolats très spéciaux. Et puis, la visite se poursuit. Nos deux compères sont enchantés par cet endroit fascinant et ils décident alors de passer à la boutique pour acheter quelques petites friandises afin que Nicolas puisse les goûter avant de venir ici lui-même tout à l'heure. C'est alors qu'au moment de passer à la caisse, une jeune employée de la chocolaterie offre un cadeau à Bernadette Chirac. Et ça, c'est pour votre mari. De la fève de cacao du Guatemala. Pour éveiller ses passions. Vous ne connaissez manifestement pas mon mari. Vous n'avez manifestement jamais goûté cela. Bernadette accepte volontiers ce présent gourmand. Et Brice Hortefeux, lui, se voit offrir une boîte de chocolat colombien. Il est alors précisément 12h45. Il est temps donc de rejoindre Nicolas pour le débriefing dans un délicieux bouchon lyonnais. Seulement voilà, dans la voiture, Brice et Bernadette se goinfrent de ces quelques chocolats offerts. Et quand ils arrivent au restaurant, Nicolas Sarkozy, lui, constate immédiatement qu'il y a un souci. Brice Hortefeux porte un énorme chapeau et il semble très excité. Nicolas lui demande ce que signifie ce cirque, ce à quoi Hortefeux euphorique lui répond qu'il se sent... Pépito. Ce pépito-ci est au chocolat. Aïe. Pépito. Pas que pépito. Ce pépito-là, ma foi, elle est aussi. Aïe. Pépito. Paquet rouge. Mais ce pépito-là, tout le monde le connaît. Aïe. Pépito. Paquet bleu. Tandis que celui-ci est chocolat au lait. Deux chocolats pour un sablé. Aïe, pépito. Mais c'est n'importe quoi. Nicolas Sarkozy lui fait remarquer qu'il a surtout l'air d'un sombre héros et qu'il ferait mieux d'aller se rafraîchir aux toilettes. C'est alors que Bernadette, lascive et gourmande, s'approche de Nicolas. Taille-moi les hanches, à la hache j'ai trop mangé de chocolat, croque-moi la peau, s'il te plaît, croque-moi les os, s'il le faut c'est le temps des grandes métamorphoses. Mais ça suffit, oui, mais enfin, vous êtes complètement drogué ou quoi? Mais que s'est-il passé, bon sang, dans cette foutue chocolaterie, s'inquiète Nicolas Sarkozy. Il ne comprend rien à ce que vient de lui raconter Bernadette, là. Cela dit, les fèves de cacao guatémaltèques continuent de faire leur effet sur Bernadette. Et elle décide donc d'être plus explicite à l'égard de Nicolas. J'ai faim de tout ce que tu es, le bon, le mauvais, tout et tout ce qui me plaît. J'ai faim. Alors là, c'en est trop pour Sarkozy. Il se lève et quitte la table, fou furieux. Qu'est-ce qu'elle vient nous frimer la tête? Non mais est-ce froid au palace? Je peux pas saquer les starlettes, ni les blondasses. Avant qu'elle ait bu son cognac, je l'ai chopé par le callback. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues, et marche à l'ombre. Dans la foulée, Nicolas Sarkozy annule immédiatement sa visite dans cette chocolaterie bizarre. Et puis il claque la porte du bouchon lyonnais. Au même moment, Brice Hortefeux sort enfin des toilettes et s'inquiète de l'absence de Nicolas. Bernadette lui explique qu'il s'est barré et qu'il est sacrément fâché après eux. Mais elle croit savoir comment récupérer le coup. Ils vont lui organiser une jolie surprise pour son meeting à Lyon ce soir. Brice Hortefeux est très emballé par l'idée que vient de lui murmurer Bernadette. Au passage, il s'empiffre à nouveau de cacao guatémaltèque et colombien. C'est ainsi qu'à 20h30, à proximité de Lyon, à Chassieux, depuis 20 minutes maintenant, les militants UMP écoutent religieusement M. Sarkozy, leur candidat favori. En coulisses, Bernadette et Brice attendent le moment propice pour intervenir. C'est alors qu'à 21h10, suivi de Brice Hortefeux, Bernadette Chirac entre en scène. C'est énorme. Nicolas Sarkozy est au bord du collapse. Il est horrifié et exige immédiatement qu'on expulse Manu Militari, ces deux drogués du chocolat. Et puis, très réactif, Nicolas adapte tout de suite son discours à ce qui vient de se passer. Il arrive que Satan soit le chanteur d'une chanson scabreuse que vous entendez à la radio. Il peut être l'auteur d'un roman lubrique. Il peut être l'homme tranquille qui rôde dans la cour de l'école et demande à vos enfants s'il peut venir jouer avec eux. Et il peut être le fabricant de douces choses, de choses toutes simples. Car qu'est-ce qui semble plus inoffensif, plus innocent que le chocolat? Et voilà, à force de vouloir tout diaboliser, on va finir par nous faire croire qu'aimer le chocolat, c'est dangereux. Pour un peu, ce serait même inscrit dans les gènes, dis donc, et qu'il va falloir m'éradiquer tout ça, hein. Et j'aime autant te dire que je ne suis pas du genre qu'on m'emmerde, moi. J'aime autant te dire à l'oreille que je ne suis pas du genre qu'on emmerde. Regarde-moi bien, je reviens. Apprends-moi si tout c'est des tours. Je reviens, c'est le nouveau titre du groupe Kaolin, mais c'est surtout le joli refrain que susurre à ton oreille la cellulite que tu avais cru chasser lors de ton dernier régime différencié. Grosse gourmande, va. Alors, pour poursuivre notre aventure gloutonne dans l'univers des sucreries et de la charcuterie, il est grand temps maintenant, à 11h44, de retrouver nos deux héros bouffis, les bouffons que sont Monique et Jean-Claude. Lundi dernier, lundi de Pâques donc, Monique fut prise d'un terrible doute en regardant Jean-Claude en train de chercher des œufs en chocolat dans le jardin. En effet, Monique s'est alors aperçue que son Jean-Claude a bien profité, dis donc, de la torpeur des longs mois d'hiver et qu'il s'est nettement empâté. Il faut dire que Monique, excellente cuisinière, n'est pas très portée sur la diététique. Elle adore mitonner des petits plats pour son Jean-Claude. Et oui, en cuisine, son credo à Monique, c'est... Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon. C'est bon. La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon. C'est bon. Désormais, je veux chanter le cochon, le pâté et le saucisson. Répétons sur cette perpolution. C'est bon. Qui c'est qui est bon sur le cochon? C'est bon. Sauf que, voilà, à force de manger de la charcuterie, Jean-Claude a tendance à ressembler à un petit goret, mignon mais gras. Monique, un peu coupable, décide alors de mettre Jean-Claude au régime. L'objectif, c'est de lui faire perdre 5 kilos avant l'été. Monique, elle a tout prévu pour Jean-Claude. Le régime de Jean-Claude s'annonce donc difficile, d'autant plus que dans le jardin, Rémi et Elsa, les enfants de Monique et Jean-Claude, sont partis à la quête des œufs en chocolat. Cela dit, discrètement, Jean-Claude réussit à subtiliser la récolte chocolatée de Rémi et il s'apprête à boulotter un caramel quand Monique surgit face à lui. Jean-Claude, pris la main dans le sac, tente de faire croire que c'est pour elle qu'il a ramassé ces quelques friandises. Mais Monique n'est pas dupe. Par moment, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une parole encore. Non, il n'y a pas de parole à rajouter. Jean-Claude le goinfre est au régime et Monique lui ordonne de rendre au môme ses quelques bonbons enrobés et dérobés. Jean-Claude, vexé, s'exécute. De toute façon, Jean-Claude dit aux gamins qu'ils sont dégueux ces bonbons-là, plein de produits chimiques, bien loin des sucreries de sa jeunesse à lui. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux, compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc. Les Mistral gagnants. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocos boers. Et les frères doudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. Mais bon, les cocoboers et les roudoudous sont aujourd'hui interdits au Jean-Claude qui est donc au régime. Il est midi et Jean-Claude n'a pas grignoté de la journée. La faim le tiraille, mais il n'est pas trop inquiet, car ce midi, il doit aller déjeuner chez son concierge Pascal. C'est normal, c'est le lundi de Pâques. À peine le seuil franchi, Jean-Claude laisse parler ses narines. Ça sent bon chez vous. C'est lundi, c'est ravioli. Et vous restez dîner? Eh bien, c'est parfait. J'ai la faim qui me noue les entrailles. C'est étrange. Je sens comme une odeur... comme une odeur étrange. C'est une odeur fine, si délicate. C'est comme un doux parfum de noisettes et d'eau claire qu'un peu de fer sur la langue viendrait relever. Ça sent... ça sent... ça sent la chair fraîche. Hélas, Jean-Claude est vite déçu. On lui sert quelques raviolis qu'il engloutit en à peine 2 minutes, pas vraiment de quoi apaiser sa faim. Où sont les poulards? J'ai faim. Où sont les fèvres, les pâtés de serre? Qu'on ripaille à plein ventre. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre? Un porcelet, une chèvre en rôti, quelques cygnes blancs bien poivrés? Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Vous avez encore faim? Après ce que vous êtes goinfré? Oui, Jean-Claude a encore faim. Mais hélas pour lui, après le yaourt bulgare au dessert, il n'y a plus rien à manger. Faisant alors contre mauvaise fortune mon cœur, Jean-Claude salue poliment ses hôtes et rentre rapidement à la maison parce qu'il est déjà 4 heures, dis donc. Il est 4 heures, à la bonne heure, sortez des placards les 4 heures. C'est le goûter, à quelle veine, oh oui, donne-nous des BN. 4 heures déjà, à quelle bonne heure, sortez des buffets les 4 heures. 4 heures, c'est l'heure des BN. Mais bon, Jean-Claude a beau fouiller dans tous les placards et le buffet, rien n'y fait, tout est vide, Monique a tout planqué, il ne reste plus rien à grignoter, si ce n'est un vieux paquet de pâtes. Jean-Claude hésite, il se dit que ce n'est pas raisonnable, mais il a tellement faim, merde. Alléluia. Non, Jean-Claude doit résister et lutter contre sa faim s'il veut perdre ses bourrelets. Mais Jean-Claude ressent des crampes d'estomac insoutenables, lui le gourmand habitué à grignoter. Il regarde son paquet de nouilles avec insistance. Va-t-il céder ? Sa volonté sera-t-elle plus forte que sa faim ? Jean-Claude, au milieu de la cuisine, regarde avec insistance ce paquet de pâtes qui semble lui dire « Viens, que tout recommence, viens. » Viens, sans toi l'existence, viens, viens, n'est qu'un lourd silence, viens, viens, qui n'en finit pas. Jean-Claude, affamé, cède à l'appel de la nouille. Il fait bouillir de l'eau la salle et y plonge les pâtes. Mais après 7 minutes de cuisson, au moment de les égoutter, Jean-Claude hésite à mettre une petite noix de beurre. Ce n'est pas raisonnable non plus pour son régime. Et pourtant le beurre c'est si bon, surtout que la plaquette lui fait les yeux doux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Alors Jean-Claude cède, lui qui aime encore le beurre. Il est 5h de l'après-midi et il se fait des pâtes au beurre, mais c'est si bon avec du fromage. De toute façon, ce n'est pas grave, car ce soir, quand il emmènera Monique au restaurant, Jean-Claude, il commandera un plat léger. Je voudrais un melon au porto, après je prends un œuf en gelée, un maquereau aux aromates, un foie gras en brioche, un écrevisse à la nage. À la place du foie gras, monsieur ? Non, en plus. Non, c'est pas tout. Non, non. Et puis alors, je voudrais aussi un rouge et grillé, et après je prends un poulet de Bresse à la française. Voilà. Et une tête de... Oh. Non, une pièce de charolais plutôt. Une pièce de charolais d'abord et puis une tête de veau après. Voilà. Et dites-moi, la choucroute, elle est comment, chou ? Très très bien, monsieur, oui. Alors, vous m'en donnez un petit peu, c'est juste pour goûter. Hein ? Bien, monsieur. Merci. Si vous voulez faire vite quand même, je suis assez pressé. Entendu, monsieur. Et c'est en pleine goinfrerie que Jean-Claude a avoué à Monique la réelle raison de l'abandon de son régime, à savoir ses hallucinations alimentaires à base de nourriture parlante. Monique, elle n'est pas trop étonnée de cet aveu, parce qu'à l'automne dernier, un après-midi, Jean-Claude, il avait déjà eu ce type d'hallucination. Un après-midi d'automne, on avait trouvé un moyen de locomotion. Alors on est parti à la cambrousse, les champs étaient humides et suffisamment acides. C'était le bon moment pour aller cueillir des champignons. Mangez-moi, c'est le chant du silo qui suffit, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Il pleuvait beaucoup ce jour-là. Heureusement, on avait des capuches et surtout des pochons solides. Là-bas, les vaches nous regardaient d'un air complice et détendu. Il n'y avait plus qu'à s'y mettre pour assurer la cueillette. Mangez-moi, c'est le chant du psylo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Est-ce que c'est un bon, mais non, c'est pas un bon, car y a pas de téton. Et puis il est trop plat, il a pas la bonne couleur, ne nous décourageons pas, ouvrons les oreilles. Mangez-moi, c'est le chant du psylo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Oh, toi tu marches comme un canard, mais c'est pour mieux le voir. Oh putain, j'ai mal au dos, il faudrait un dé- et sûrement qu'ils ont tout raflé. Ce coin-là, c'est sûr, il est connu. Putain, franchement, comment veux-tu? Maintenant, il est trop tard. On est bien avancé, on a les pieds tout mouillés. Mangez-moi. Plutôt que de m'écraser, pourquoi ne pas me manger? Un après-midi d'automne, on avait trouvé un moyen de locomotion. Alors on est parti à la cambrousse. Le champ était humide, suffisamment facile. C'était le bon moment pour aller cueillir les champignons. Mangez-moi, c'est ce que réclamait en 1993 le groupe Billy the Kick et les gamins en folie. Mangez-moi, c'est aussi ce qu'a dû dire le patron de l'entreprise EADS à ses actionnaires, car en échange pour M. Forgeard, c'était Noël, puisqu'il s'est goinfré avec 8 500 000 euros d'indemnité, soit plus de 5 siècles de SMIC indigeste. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre régime hypercalorique. De l'abstinence pendant le carême au plus grand bouffeur de raclette, de l'andouille du pape au chocolat de Bernadette et de la madeleine de Proust aux hallucinations alimentaires de Jean-Claude, nous t'avons proposé un panorama illustré et subjectif, bien sûr, de ce péché capital qu'est la gourmandise. Alors, pour finir, c'est quoi au juste un gourmand? Eh bien, au sens premier, c'est une personne donc qui aime boire et manger. Mais des gourmands, tu en trouves partout, qui bouffent à tous les râteliers. Tu vois, à la tête de la Banque mondiale, par exemple, une organisation chargée de lutter contre la pauvreté dans le monde. Tu trouves le glouton Paul Wolfowitz, qui vient d'octroyer à sa collaboratrice maîtresse une augmentation annuelle de 60 000 $. Et oui, pour les chantres et les chancres du libéralisme, il faut toujours s'empiffrer. Quand l'appétit va tout bas, vis dans les futailles, à nous la répaille. Quand l'appétit va tout bas, vive les quenottes qui croquent et grignotent. Quand l'appétit va tout va, chantent les gourmands gaulois Astérix et Obélix, qui est pas vraiment gros, mais juste un peu enrobé. Voilà, fin du 74e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était C'est quoi la gourmandise, revue et corrigée par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine en direct à 11h sur France Inter pour une nouvelle aventure. Total foutraque et archiloufoque, bien sûr. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi, Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M, Henri Marc Mutel. Merci beaucoup, Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Joël Le Guéhennec et de Julien Dumont. Merci beaucoup à vous deux. Pour toute la documentation, les recherches sonores et aussi plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard. Merci, Flora. Mais merci aussi à Anne de la Lande, notre stagiaire. Pour les Scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefaillère pour toutes ces idées complémentaires. Merci enfin à Philippe Chalinier, documentaliste de l'INA, pour ses recherches. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la panique comme Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit le podcast. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve donc dimanche prochain en direct à 11h22 avril. Mais surtout, d'ici là, ne lâchez rien. Ciao. C'était une émission en direct, elle était un peu chaude, mais je crois que c'était pas inintéressant. Au revoir et merci. Chut.